Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je suis un des deux animateurs de ce beau programme hebdomadaire, peut-on dire. Des fois on saute une semaine, mais quand même on essaye de faire ça le moins possible. Mais l'autre animateur qui me joint aujourd'hui encore une fois est mon ami, collègue et le grand fêté de la journée parce qu'aujourd'hui, c'est sa fête et il ne recule devant rien pour quand même venir enregistrer Ça roule Radio avec moi. J'ai nommé Monsieur Marc Bouchard. Bonne fête, Marc. Merci. Je suis obligé de te dire la même chose hein, parce qu'aujourd'hui, c'est notre édition anniversaire. Parce qu'il faut dire aux gens que si aujourd'hui, c'est mon anniversaire, hier, c'était le tien. Ouais, c'est vraiment drôle. J'ai toujours trouvé ça vraiment comique quand on a commencé à jaser. Puis après ça, j'ai su que ta fête, c'était le lendemain de la mienne. Je me suis dit... On est vraiment, tu sais, à très peu de choses d'avoir la même journée de fête. Ça aurait été vraiment, vraiment trippant, là. Ouais, avoir exactement la même journée, ça aurait été juste comme un hasard totalement incroyable, là. Mais déjà, une journée différente, c'est quand même pas peu. Non, effectivement, je trouve ça très drôle. Fait que oui, c'est rare que je rencontre du monde à qui je peux dire bonne fête, toi aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais nous autres, ça peut arriver, c'est juste une journée de décalage. Exactement. Alors, donc, c'est notre édition anniversaire. Ça n'a aucun rapport avec l'anniversaire du podcast lui-même, mais bien avec les anniversaires des animateurs, dont on va se garder une petite gêne pour parler de l'âge, par contre. Ouais, il y a vieux, puis il y a plus vieux. Mais c'est ça. Fait que Samuel n'est pas là cette semaine pour descendre l'âge de l'émission. On reste dans le quand même assez élevé. Mais c'est pas grave. Les gens n'ont pas besoin de savoir quel âge qu'on a. En autant qu'on reste intéressant et qu'on ne devient pas trop sénile rapidement, ça va être correct. T'as remarqué que j'ai pas précisé, j'ai rien dit, moi, là. Hein? Non, c'est correct. Juste de même. Ouais, tu m'as laissé aller me caler tout seul. Mais on approche quand même de l'anniversaire de l'émission. On va tomber bientôt à notre 50e épisode. Je pense que ça arrive dans les prochaines semaines. Ça va être quand même intéressant. Sérieux, 50 épisodes? Bientôt. On est présentement, là, je vais aller voir parce que c'est moi qui mets le show en ligne à chaque semaine, mais je mets d'autres shows en ligne aussi, donc les chiffres parfois se bousculent parce que je mets... Ça, c'est l'âge. Hein? Ouais, c'est parce que je mets aussi Réalité Augmentée, qui est une autre émission que je fais, puis j'ai aussi l'émission d'un ami qui s'appelle La POC, un podcast sur le hockey que je mets aussi en ligne, donc c'est ça. Fait que cette semaine, on enregistre le 48e. Donc, dans deux semaines, si on manque pas d'émission pour cause de maladie ou autre, là, on va tomber à notre 50e émission. C'est quand même pas pire. Ah non, c'est très bon. Franchement, là, moi, je trouve ça... Je nous trouve très bon. Hein, tu pensais pas m'endurer si longtemps que ça, quand même. Bon. Ouais, j'aime mieux le dire avant. Ouais, c'est ça, c'était mieux. Donc, Marc, oui, c'était ma fête hier, c'est ta fête aujourd'hui, mais ça ne nous empêche pas que tu as quand même été à des lancements dernièrement, tu as fait quand même des choses plutôt intéressantes. Tu es allé chez Buick récemment. J'ai pas remarqué c'était où dans l'univers connu où tu étais, pour le lancement de la nouvelle Régale. Oui, en fait, le dévoilement de la nouvelle Régale, il faut le préciser, parce que ce n'était pas... On n'a pas conduit les véhicules. Ah, okay? Okay. On nous a donc présenté les véhicules. Ça se passait à Détroit, dans la chic ville de l'automobile. Mm, ouais. Et on était au centre de design de GM. Centre de design, là, si vous allez voir sur ma page Facebook, j'ai mis une photo, là, c'est une espèce de bulle, c'est une espèce de dôme. Ça s'appelle d'ailleurs le design dôme. Okay. Et c'est à l'intérieur de ça qu'on nous a présenté les nouveaux véhicules. Bon, évidemment, je pense que, parce qu'on parle de Buick, je vais quand même prendre deux minutes pour parler de la marque elle-même. Parce que nous, on a tendance à l'oublier. Oui, ben puis c'est une marque qui, franchement, là, je sais que tu vas probablement en parler, qui a rasé de passer dans le tordeur en 2010 avec Pontiac et Oldsmobile, mais c'est tellement populaire ailleurs dans le monde que GM a décidé de la garder. Là. Ben c'est exactement ça l'idée. En fait, c'est une marque, imagine, qui a grandi de 12,3% depuis l'an passé. Oui. C'est énorme, c'est une progression qui est spectaculaire. L'idée, en fait, c'est que c'est une voiture qui est extrêmement populaire en Asie. Ouais, exactement. Les Chinois adorent Buick. Et pour une raison historique, hein. Ouais. Dans les années 50-60, l'empereur chinois, parce qu'à ce moment-là, ça paraissait bien d'avoir un véhicule américain, c'était acheter une grosse Buick comme véhicule de fonction. Et le peuple chinois a aimé ce véhicule-là et ont voulu copier leur empereur. Et c'est comme ça que Buick est devenu populaire. Ouais. Écoute, je te dirais, j'ai pas les données devant moi, là, mais à l'œil, il y a à peu près 65% des ventes Buick qui se font en Asie. Ouais, je suis pas surpris du tout, là. C'est énorme. On a vendu un peu plus de 700 000 véhicules au total en Asie. C'est gigantesque, là. Mm-hmm. On est vraiment là, dans un monde complètement à part. C'est correct, dans le sens où, bon, c'est correct pour les Chinois, tant mieux pour eux. C'est un peu triste pour nous, parce que je trouve qu'on se prive de véhicules qui ont quand même une certaine allure. Ouais, parce que normalement, c'est quand même à la base, normalement, des Chevrolet, mais mieux finis, mieux insonorisés, avec, tu sais, plus soigné, finition à l'intérieur. Fait que oui, on manque quelque chose pour avoir conduit quelques Buick dans ma carrière à date. C'est toujours des véhicules qui sont quand même agréables, qui sont quand même jolis, tu sais, puis... Mais oui, on passe de Chevrolet ou les GM de base à Cadillac normalement, mais on fait comme sauter une étape. Exactement. Et on a tendance à percevoir Buick comme étant le véhicule de mon oncle. Ouais. On se rappelle tous des gros bateaux avec des suspensions que quand tu frappais une bosse, t'en avais plus 5 minutes à ce que la voiture arrête de branler. Là. Ouais, ouais. Écoute, on est vraiment plus là. On est rendu avec des voitures vraiment performantes. Tu l'as dit, des voitures dont la qualité de finition est à la hauteur, qui ont un certain plaisir de conduite. On s'entend pour dire que c'est pas une allemande. Non, non, non. Mais on n'est pas loin. Et la Régale, au cours des dernières années, s'est bien comportée. Autre détail que je trouve intéressant, au Salon de New York, la semaine prochaine, on va présenter la Buick Enclave, le grand utilitaire. Voyons. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge ce matin. Ça va bien avec tes deux chiens, ça. Ouais, c'est ce que je t'ai pas dit. Mes chiens vont sortir, là. Donc, on va présenter la Buick Enclave, ce qui va permettre à Buick d'être la compagnie avec le catalogue de produits le plus jeune de l'industrie. Je parle évidemment là, des produits les plus jeunes, donc ceux qui sont là sur le marché depuis le moins longtemps. Ouais. Donc, on a complètement revampé la totalité de la gamme. Mm-hmm. On arrive avec des véhicules qui sont technologiquement avancés et avec des trucs vraiment intéressants. Ceci étant dit, ce qu'on nous a présenté, c'est deux versions de la Buick Regal. La première, c'est la Buick Regal Sportback. Ouais. La Sportback, ben, tu le sais, c'est une voiture à haillons. Un station wagon. Non. La Sportback, c'est le hatchback. Mais okay. Pas le hatch. C'est plus un... C'est un fastback, là, comme à l'époque. Là, okay. Avec, c'est un 5 portes arrière avec le look un peu plus profilé et tout. Okay. Moteur... 4 cylindres, 2 litres turbo, on connaît bien ce principe-là. Mm-hmm. Et la voiture, elle est belle, elle est bien faite, on a bien aménagé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologie, y compris un bidule que j'ai trouvé super intéressant. C'est une protection pour les piétons. OK. Alors, ce que c'est que sous le capot, on a mis des espèces de pièces pyrotechniques, comme celles qui animent tes coussins gonflables dans ta voiture. OK. Et quand tu frappes un piéton à une vitesse supérieure à 25 km/h, ça déclenche ces pièces pyrotechniques-là et elles font soulever le capot de 4 pouces. OK. Ce que ça crée, c'est que ça crée comme un coussin d'air entre le capot et le moteur. Ce qui fait que si le piéton a à heurter le capot, ben, il y aura une zone d'absorption plutôt que de se frapper directement sur le bloc moteur et d'être profondément blessé. OK. Bon, c'est intéressant. C'est de voir comment le système détecte. Ben, on est capable de détecter les piétons puis les voitures, des choses comme ça maintenant. Là, je conduisais une voiture qui me montrait qu'il y avait des piétons sur le trottoir, des choses comme oui, ça. Oui, mais là, on parle, ouais. Là, on parle de collision. Là. Ouais, il faut que ça soit rapide. C'est l'équivalent d'un poussin gonflable. Ouais, ouais. Okay. Et là, ça frappe 25 km/h, ça explose, ça finit là. Okay. Évidemment, tu vas me dire que ça se peut que ça coûte plus cher de réparation, mais ceci étant dit, ça se peut. Bon, ouais, mais tu sais, plus cher de réparation versus peut-être sauver une vie ou des blessures graves à un piéton. Je veux dire, regarde, on va prendre le coût de réparation un peu plus élevé. Là. Comme on dit toujours, de la tôle, ça se répare et ça se remplace au pire. Là. Un être humain, c'est un petit peu plus difficile. On n'est pas rendu au point de se greffer des parties du corps vraiment à ce point-là pour sauver des vies, c'est quelque chose. Je pourrais t'en suggérer quelques-unes à te greffer à toi, mais ça, c'est une autre affaire. Là. Ouais, je sais, je me suis commandé un nouveau cerveau, mais il est backorder. C'est ça. Non, t'en as un, mais tu sais pas s'il marche en tout cas. Ouais, bref, ça. Ceci étant dit, alors ça, c'est la version Sportback qui va arriver dès l'automne comme modèle 2018. Ouais. On nous a aussi présenté une version qui s'appelle la Tour X, okay. Qui est une familiale, là, un station wagon, un peu surélevé, avec des arches de roues protégées, avec tout ça, mais ça ne viendra pas au Canada. Ouais, OK. Juste aux États-Unis? Ouais, juste aux États-Unis. Pour le moment, on dit que ça ira même pas en Chine. OK. Ce qui est un peu ironique, parce qu'on vient justement de dire que c'était le marché le plus performant pour Buick. Ben ouais, toi. Mais, ça, écoute, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ça ne vient pas au Canada. J'ai posé la question aux gens de GM. Leur réponse a été oui, mais on a un marché différent. Non. Ben ça, non. C'est de la découverte, ça, monsieur. Mais Je trouve donc ça un peu ironique parce qu'on sait pertinemment que c'est au Canada que fonctionnent le mieux les véhicules familiaux. On aime ce genre de véhicule-là beaucoup plus qu'aux États-Unis. Or, on a décidé de ne pas l'amener. Ça, c'est la notion qui est assez particulière. On verra ce que ça va donner. Mais pour le moment, c'était, je te dirais, dans la salle, la grande déception quand on a su que ce véhicule-là ne viendrait pas. Parce qu'il est beau en plus, là. Ouais. Il est absolument magnifique. Si vous allez sur ma page de blog, là, marcbouchard.ca, j'ai mis des photos. Vous allez voir les deux versions. Mais la Tourex, à mon avis, était celle qui avait le plus de chances de pogner chez nous. Puis elle Et viendra pas. malheureusement, il semble qu'on n'est pas rendu là encore. Alors donc, ça, c'est des véhicules. Je te dis Buick qui se relance et qui va donc nous arriver cet automne avec ce genre d'affaires-là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du marché. Est-ce qu'on va être capable de rattraper les autres? Est-ce qu'on va être capable d'aller se positionner dans le marché des véhicules de luxe? On le souhaite pour GM, bien entendu, parce que c'est un véhicule qui a le mérite de le faire, mais on se rend bien compte qu'on n'a pas voulu prioriser le marché canadien du tout avec ça. Dommage, parce que c'est un beau véhicule, c'est un bon véhicule, c'est un véhicule qui mérite le détour si vous êtes à la recherche de quelque chose de luxueux, d'agréable à conduire et de technologiquement avancé, parce que là, je n'ai pas parlé, là, mais il y a tous les systèmes là, de sécurité, là, l'aide à la conduite là, pour le maintien en voie, le détecteur d'angle mort, tu as tout ça évidemment qui est disponible, rouage intégral ou pas. En fait, d'un rouage intégral ou pas, la traction avant est disponible avec la 9 vitesses et la traction intégrale avec la 8 vitesses. OK. Automatique. Donc, on est vraiment là dans quelque chose qui est un peu. Qui serait le fun à conduire, mais malheureusement, on n'est pas rendu là. Mais regarde, c'est un peu comme la Chevrolet SS, tu sais, qui est en vente aux États-Unis. Nous autres, on a eu le droit à la G8, parce que la Chevrolet SS, c'est la remplaçante de la Pontiac G8 qu'il avait eu, qui était un véhicule qui était quand même assez incroyable. Moi, je le trouvais vraiment beau. Puis les gens qui en possèdent une semblent l'aimer beaucoup. Mais bon, t'sais, ils ont décidé de sortir la Chevrolet SS, pas de l'amener au Canada, puis là, ils vont la canceller. Le modèle est en fin de vie, puis elle sera pas renouvelée. Fait que, t'sais, Ça se vend pas. ben, c'est ça, ça se vend pas. Mais t'sais, peut-être que si t'en avais vendu au Canada, t'en aurais vendu peut-être un petit peu plus. Ouais, mais tu Puis, sais, on va aussi, là, regarde, faut toujours tenir compte je dirais, des données brutes. Hein. ouais. Le Canada, il se vend 1,8 million de voitures neuves par année. 1,8 million, là, c'est ridicule. Là. Dans le sens où, face au marché américain, c'est un dixième de ce que les autres Ah oh oui, proposent. on n'est rien à comparer du marché américain, Fait c'est que, tu sûr. sais, quand tu arrives en plus avec des affaires un peu plus de niche, ben là, évidemment, tu te retrouves avec des véhicules qui se vendent à peu près pas, là. Ouais, c'est un fait. Non, ça, il n'y en aurait pas vendu des millions de copies, mais tu sais, il en aurait vendu quelques-unes. Ça aurait peut-être fait plaisir à certaines personnes qui auraient aimé ce genre de véhicule-là ici. Une berline ultra sportive, ça aurait été le fun, mais bon. Peut-être que ça se serait probablement pas vendu comme des petits pains chauds. Ils vendent plus de Chevrolet Cruze qu'ils auraient vendu de Chevrolet SS, mais bon. Ça, c'est la bonne nouvelle, là, Ouais, mais. c'est ça. Bon, c'est beau, Marc. Donc, on va terminer là-dessus. On va faire une petite pause, puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour. Et Marc, tu as essayé cette semaine, ou tu es en train d'essayer, un véhicule qui est très intéressant, un véhicule qui semble aimer des gens qui soit les possèdent ou qui les essaient. Tu es au volant de la Hyundai Ioniq hybride. Oui, effectivement, c'est une Hyundai Ioniq. Il faut préciser, il faut rappeler aux gens que la Ioniq, c'est un nouveau véhicule chez Hyundai. Ouais. C'est un véhicule qui va décliner en trois modèles différents, si tu veux. Tu as la hybride standard, comme celle que moi je conduis cette semaine, qui est la plus abordable d'entre toutes. Tu auras une version hybride branchable qui, elle, va arriver un peu plus tard cette année. Et tu as aussi une version 100% électrique. Oui, qui est déjà disponible, celle-là. Celle-là est déjà disponible. Elle, je la conduis dans quelques semaines. J'ai la suite de l'autre, la Chevrolet Bolt, et la semaine suivante, j'ai la Hyundai Ioniq. OK, c'est bon. Fait que je vais avoir 2 semaines à faire vivre Hydro-Québec plutôt que Petro-Canada. Ouais. Ceci étant dit, je ne savais pas trop à quoi m'attendre de la Ioniq. J'avais un peu peur qu'on se retrouve avec un petit véhicule un peu, pas négligé, là, mais pas aussi bien élaboré qu'on aurait pu le faire. OK. Ouais. Et finalement, je suis extrêmement impressionné de ce véhicule-là. OK. Je l'avoue, D'une part, parce que j'aime la silhouette, j'aime la façon dont on le fait. C'est une espèce de voiture à haillons, là. Un autre Sportback pour qu'on reprenne le vocabulaire qu'on a utilisé déjà avec la Buick Regale. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça parce que un certain espace de rangement, tu n'es pas trop pénalisé par la présence des batteries, ça permet quand même d'avoir quelque chose d'intéressant. Okay. Dans le cas de la hybride, il faut préciser que ce n'est pas la hybride branchable. Donc, on ne peut pas la brancher. Donc, toute son assistance électrique provient strictement soit du freinage régénératif, soit du moteur à essence qui recharge en partie la batterie Okay. quand il n'utilise pas sa puissance pour propulser le véhicule. OK, c'est bon. Donc, on est là. Ce qui est intéressant, cependant, c'est d'une part, comme je te l'ai dit, la quantité d'équipement et de la qualité de finition. Ça, c'est vraiment, vraiment bien fait. Mais il y a aussi toute la notion d'assistance électrique qui est vraiment transparente et qui agit très bien. Okay. Tu sais, on achète une hybride, là, pas nécessairement pour être propriétaire de la technologie, mais pour profiter d'une certaine économie de carburant. Ouais. Et j'ai eu l'occasion de le faire. Et il faut dire que la boîte automatique 6 rapports double embrayage, ce qui est unique là, pour une hybride, ouais, permet de tirer vraiment le maximum du régime moteur à tous les niveaux. Et ça nous donne une consommation. Bon, Hyundai parle de 4,1 litres au 100, ce qui me semble un peu bas. Ouais. Mais je dois dire que j'ai quand même fait 4,4, 4,5. Ouais. 4,1, ça doit se faire dans des conditions idéales, mais tu sais... Si on regarde aussi, Ford avait donné des consommations ultra basses pour son C-Max hybride, déjà, puis ils ont dû se réviser parce qu'ils n'étaient pas capables de taper les chiffres, mais j'ai l'impression qu'avec Hyundai, on devrait être capable de taper ça dans des conditions idéales. Ouais, eux autres se sont déjà fait ramasser dans le passé, fait que j'imagine. Ils vont faire un peu plus attention. J'ai été un petit peu prudent. Puis oui, tu disais que transmission automatique, la plupart utilisent des CVT. Il y a juste Hyundai puis Kia qui utilisent des transmissions automatiques avec leurs hybrides, ce qui est ultra rare, là. Et on parle de 6 rapports double embrayage, ce qui est quand même particulier parce que généralement, c'est le type de transmission qui sont utilisées sur des voitures à vocation un peu plus sportive. Alors, évidemment, on n'est pas dans la sportivité, on est dans la voiture, cependant, qui, en zone urbaine, c'est vraiment spectaculaire comment ça se comporte bien. Ben, il faut dire que, quand je dis spectaculaire, on va se calmer, là. Ça demeure un petit char à 30 000 $, là. Mais c'est que j'avais tellement peu d'attentes. Mm-hmm. Parce que j'étais tellement sous l'impression qu'on s'était forcé à sortir une voiture écologique parce qu'on en avait besoin. Ouais. Et alors que les résultats sont vraiment, vraiment exceptionnels. Petit moteur, écoute, c'est pas la grande puissance. On parle d'un moteur à essence, 4 cylindres, 1,6 litres, 104 chevaux, 109 livres-pieds de couple. On ajoute 43 chevaux à peu près avec le moteur électrique. Mm-hmm. Total, là, bon, on combine tout ça selon un calcul scientifique pour 139 chevaux au total. OK. C'est pas énorme, mais c'est amplement suffisant pour les besoins. Et on ressent bien le comportement de la voiture. Elle est agréable. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette conduite-là. J'ai beaucoup aimé le fait aussi qu'à l'intérieur, tu ne te sens pas coincé dans une petite voiture. T'es dans une voiture où t'as l'impression d'avoir de l'espace, t'as une bonne visibilité, malgré la présence d'un haillon arrière qui souvent réduit un peu la visibilité trois quarts arrière. Dans ce cas-ci, vraiment, j'ai trouvé que c'était fort bien fait. Mm-hmm. En tout cas, moi, j'ai été, comme je te dis, je suis toujours favorablement impressionné. Évidemment, ça demeure une voiture qui est... je pourrais dire, qui est un peu dispendieuse, mais tu sais, c'est une hybride, là, dans la mesure où ça s'attaque totalement à ce que les autres ont fait. Ouais. En termes de format, on est à peu près dans le format de la Prius standard, donc une petite voiture qui est vraiment intéressante, qu'on a voulu très profiler pour maximiser tout ça, mais qui ne pénalise pas ses occupants. Alors, honnêtement, j'ai très peu de mauvais avis par rapport à ce véhicule-là, qui m'a vraiment, vraiment impressionné. Comme je te dis, on verra ce que ça va donner à terme, mais pour un essai très court comme j'ai pu en faire un, moi, je suis très content du résultat. Tellement, en fait, que si vous envisagez l'achat d'une Hyundai Elantra, je vous dirais, mettez quelques dollars de plus et visez la Ioniq hybride. Vous allez probablement en avoir beaucoup plus pour votre argent et vous allez avoir un véhicule qui va vous en donner autant en matière de plaisir de conduite et en matière de capacité. Honnêtement, j'en suis à ce point-là. Ouais. Non, c'est un véhicule que beaucoup de gens attendaient. Parce que tu sais, on regarde Hyundai Kia depuis quelques années, c'est surtout c'est dans le fin fond du fond là, c'est presque la même compagnie, ils partagent des technologies. Le Soul est un véhicule qui était quand même très bien, agréable à conduire, assez puissant, avec une quand même une bonne autonomie pour la voiture électrique de ces temps-ci là, qui est une voiture à 150 160 km d'autonomie. Mais tu disais, bon, ben, Kia a cette technologie-là. Quand est-ce que Hyundai va s'approprier un peu cette technologie-là pour en mettre dans leur voiture? Puis, on regarde la Ioniq, c'est pas mal un succès. Puis oui, on aurait pu penser, bon, ben, il faut qu'ils sortent une voiture électrique, voiture hybride. Toutes les compagnies en ont une présentement, puis ça regarde mal si t'en as pas une dans ta flotte. Mais oui, comme tu disais, il aurait pu juste, sortir quelque chose de correct, puis probablement que ça se serait vendu quand même pour les gens qui veulent vraiment une hybride ou une électrique, mais là ils ont été un petit pas plus loin pour faire un véhicule qui est plus que ce que les gens peut-être s'attendaient à avoir, puis ça va peut-être se vendre très bien au Québec. Hyundai est fort au Québec, probablement qu'on va en voir beaucoup au Québec sur les routes et un peu partout. En fait, ils sont vraiment en train de se créer un créneau qu'on pensait occuper jusqu'à maintenant uniquement par Toyota finalement. Moi, ouais, c'est ça. Puis c'est une compétition, c'est compétition directe avec la Prius. On le sait d'avance. Là, c'est fait pour être un combattant pour la Prius. Mais là, en plus, on sort un modèle 100% électrique. Fait qu'on va aller chercher peut-être un autre marché aussi qu'on n'allait pas. Puis celui de la Leaf, en fait. Là, ouais. Puis supposément que la j'ai hâte de l'essayer. Je vais l'avoir dans deux semaines. La Ioniq totalement électrique. Ça a l'air que, tu sais, on donne 200 km d'autonomie, puis c'est un vrai 200 km d'autonomie, là, pas c'est 200, ouais, mais tu vas avoir 140 au bout de la ligne. Ça a l'air assez impressionnant, j'ai hâte d'essayer ça. OK, ben écoute, mon chum aussi, j'ai hâte, on va l'essayer. Comme je te dis, moi, j'essaie dos à dos, là, la Chevrolet Bolt et la semaine d'après, la Ioniq. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sauf que toi, cette semaine, tu fais plutôt dans le... Moi, je pourrais dire, mettons que l'économie de carburant, ça faisait pas partie de tes qualités cette semaine. Non, l'économie de carburant n'était pas au rendez-vous, mais j'étais dans un véhicule quand même plutôt impressionnant. J'étais au volant du Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Donc, le Trailhawk, c'est la version qui est capable de faire du hors-route. Je ne l'ai pas apporté hors-route parce que j'avais un véhicule entre les mains qui vaut 70 770 $ au total. Donc, je me suis dit, une petite graphing sur la peinture, ça me tente pas. Je l'ai gardé bien à plat sur les routes normales. Le Trailhawk commence à 55 245 $ de base. Moi, j'ai beaucoup d'options dedans, comme un toit panoramique. J'avais le V8 5.7 litres, parce que de base, le Trailhawk vient avec le V6 Pentastar. Moi, j'avais le V8. Moteur très puissant avec un son, pour ma foi, assez incroyable quand on le pousse un peu. C'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé, un véhicule surélevé, le genre de véhicule que ma conjointe adore, là, un petit peu plus haut. Ma conjointe est une fan finie de Jeep. Elle aimerait avoir un... Ta conjointe, Wrangler. Elle aime les affaires un peu plus grosses et un peu plus rondes d'habitude. Ouais, c'est ça. Ben ouais, c'est ça, comme moi. mais donc, c'est ça. Donc, elle aime ce genre de véhicule-là. Elle aimerait un Jeep Wrangler. C'est son véhicule vraiment là, qu'elle a un petit kick dessus. Pour prendre les termes de l'annonce de Volkswagen. ouais. Donc, pas une pub à tout casser. Là, mais bon. Donc, elle aime vraiment les Jeeps. Donc, ce véhicule-là, elle a vraiment aimé. Toit panoramique, à l'intérieur du cuir, vraiment confortable. C'est un véhicule, comme je dis, on peut apporter hors route si on veut, mais bon, à ce prix-là, c'est pas vraiment un véhicule que vous allez apporter hors route souvent, à moins que vous allez faire du camping de temps en temps avec. Sur l'autoroute, c'est un véhicule qui est quand même assez sobre. J'ai quand même descendu à une moyenne en bas de 12 litres au 100 km à un moment donné sur l'autoroute, mais là, quand on commence à prendre des... Tu sais, on fait des stops, on arrive à des lumières, on prend des plus petites routes, ça remonte notre consommation. Mais c'est quand même pas si indécent que ça. J'ai fini en bas de 13 litres. J'ai pas mon chiffre exact. Je pense que j'ai fini à 12.8 wow. Ma semaine. C'est quand même bien. Donc, c'est un véhicule qui, si on fait un peu attention, ne consomme pas tant que ça. Là. On est capable d'avoir une consommation qui est quand même raisonnable. Mais c'est sûr, si vous passez votre temps sur des petites routes, c'est complètement autre chose. Là. Mais le système vient avec le système Uconnect, qui est un des bons systèmes de divertissement sur le marché. J'avais même un lecteur DVD avec deux écrans dans les appuie-têtes arrière que cette fois-là, malheureusement, ma famille n'a pas pu utiliser parce qu'on n'est pas allé assez loin avec. Mais normalement, on se tape un petit voyage chez mon père à Mirabel, puis là, je leur mets un film, puis mes deux enfants regardent un film en arrière pendant que moi, je conduis. Mais ça n'a pas été le cas cette fois-là. Mais c'est un beau véhicule. Il y a quand même assez d'espace dans le coffre. Faut être prêt à grimper dans le véhicule, par exemple, comme ma conjointe a un peu appris à ses dépens, c'est que la marche est haute. c'est pas nécessairement chic quand t'embarques, mais c'est quand même moins pire que le RAM que j'avais eu, qui était le Power Wagon, là, qui était... Mais c'est ridicule, ça. Ça prenait une échelle pour monter dedans. Mais tu ris, hein? Mais moi, avec le RAM Power Wagon, j'avais amené ma sœur faire un tour, et ma soeur fait à peine 5 pieds, et on avait effectivement traîné avec nous un escabeau pour qu'elle soit capable de monter et descendre du véhicule. Oh oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas à ce point-là, mais c'est quand même un peu plus élevé. Mais un coup qu'on est à l'intérieur, je veux dire, c'est vraiment un bel habitacle, c'est bien fini. Pas trop de plastique cheap, comme on pourrait dire. Là, c'est quand même, la finition est quand même assez soignée dans ce véhicule-là. Comportement routier, bon, c'est pas une voiture de course, mais c'est quand même un véhicule qui répond bien, qui se conduit bien, la direction répond bien, puis l'accélération est quand même potable. C'est sûr que vous ne ferez pas un 0-100 du tonnerre avec ça, mais c'est un véhicule qui, quand on y demande, est capable d'accélérer quand même bien là, pour faire des dépassements, des choses comme ça. C'est un beau et un bon véhicule, j'ai bien aimé. Puis comme je dis, ma consommation d'essence n'a pas été si indécente que ça, parce que j'ai fini, comme je dis, aux alentours de 13 litres au 100, là, ce qui est bien. Chrysler, ben Jeep, le FCA, donne un 14 litres au 100 km de moyenne. Là. On parle de 16,6 en ville, puis 10,7 sur route. Donc, j'étais un petit peu en bas de la moyenne qu'ils ont donnée dans leurs informations là, que j'ai. Fait que c'est quand même bien, là, mais beaucoup d'équipements, si on regarde le système DVD, c'est 2150$, le moteur le V8, c'est 2400$ d'options, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options dans ce véhicule-là, vous pouvez en avoir moins dispendieux que ça, là. Un Cherokee, ça commence aux alentours de 45 000$, un grand Cherokee. Si vous voulez avoir un modèle plus de base, mais le Trailhawk, si vous voulez avoir un peu de plaisir, allez faire un petit peu de trail avec ça, là. Ça pourrait être intéressant. C'est un véhicule qui commence à 50 000. Oui, mais en fait, c'est un véhicule qui est... On le sait, là, c'est des véhicules qui n'ont pas de limite, là, littéralement. Non, oui, c'est ça. Capable d'amener n'importe où. Là, non, la seule limite, c'est, un, ta qualité de conducteur, un, et deux, à quel point que tu veux avoir des égratignures sur ta peinture. À part de ça... Ouais, exactement. Mais je pense que quand tu achètes un Jeep... Je pense que la quantité d'égratignures fait partie des trophées que tu traînes avec toi. Oui, c'est ça. Sur une voiture, une égratignure, c'est un sacrilège. Sur un camion ou un Jeep, c'est comme juste comme une marque de virilité de ton camion. Tu vas te promener dans certaines régions, puis les gars vont avec des Wranglers se promener dans le bois, puis ils lavent pas. Oh, oui, juste. Pas qu'ils sont allés, là. Quelle épaisseur de boîte tu peux avoir sur ton camion? Ça protège la peinture. Donc, Marc, on va terminer là-dessus, puis on va revenir avec un autre essai que tu as fait. Tu es allé voir le Toyota CHR. Oui, mon cher. Alors, nous sommes de retour, et Marc, tu vas nous parler d'un véhicule que tu es allé essayer à son lancement, et on parle du nouveau Toyota CHR. Oui, monsieur, un véhicule qui s'est lancé, dont le lancement canadien s'est déroulé à Montréal. OK. Donc, pas une grande sortie pour moi. Ben non. Mais, super intéressant, et... un véhicule qui, on va le dire tout de suite, là, arrive chez les concessionnaires le 2 mai. Ouais. Donc, cherchez-le pas actuellement sur la route. Si vous en voyez, c'est parce que c'est un journaliste qui l'a. Parce qu'il n'y a pas actuellement de ce véhicule-là disponible nulle part. Okay. Le CHR, c'est un véhicule très particulier dans sa forme même. Ouais. Écoute, on le sait, Toyota n'a pas été réputé au fil des ans pour leur enthousiasme et leur initiative dans le monde du design. Ouais. Or, avec le CHR, qu'on avait présenté au départ comme un Sion, il faut le préciser. Ouais. D'où peut-être son allure un peu plus flyée. Oui, mais attention, il est quand même vendu dans d'autres pays du monde. Ah ouais, Puis il n'y a jamais eu de Sion dans d'autres pays du monde. Okay. Donc, tu sais, c'est quand même un Toyota. Oui, il est extrêmement flyé en termes de style, en termes de design. Quand vous allez le voir, si vous ne l'avez pas encore vu, vous risquez de faire un saut parce que vraiment, on est très, très loin de ce à quoi Toyota nous a habitués. Bien que, il faut préciser, là, depuis la nouvelle Corolla, la Prius, même la nouvelle Camry, on sent vraiment une tangente beaucoup plus agréable du côté design chez Toyota. Vraiment, avec le CHR, on pousse ça beaucoup plus loin. Ouais. On a utilisé un principe qui s'appelle... qu'ils ont appelé le diamant séduisant. Bon, en français, c'est laid. En anglais, ça s'appelle le Sexy Diamond. OK. Ouais, c'est déjà beaucoup plus beau. Ouais. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a multiplié l'usage des formes de diamants un peu partout, à l'intérieur comme un petit peu à l'extérieur. Donc, ça donne vraiment là une espèce de personnalité particulière au véhicule. Et à l'extérieur, quand on le regarde, c'est vraiment une silhouette. Tu sais, en cuisine, on parle de dessert décomposé. Là, mm-hmm. Avant, on faisait un pâté chinois. Maintenant, on le fait autrement. Ben, c'est un peu l'impression que le CHR donne. Il y a des panneaux qui sont vraiment proéminents au niveau des arches de roue. Le côté, la ligne de caisse est extrêmement imposante. Les roues sont grosses. Il y a deux becquets arrière. Un qui est au sommet, l'autre qui est directement lié au haillon. Les blocs optiques sont particuliers. En avant, t'as des blocs optiques à DEL, évidemment, qui sont avec des doubles projecteurs. Bref, tu regardes cette voiture-là, c'est un peu particulier. Le toit, on utilise la technique qu'on appelle du toit flottant, là. Mm-hmm. C'est-à-dire que t'as une partie noire dans le pilier C qui fait que ça donne l'impression que le toit n'est pas rattaché au reste de la voiture. Et vraiment, quand on regarde ça, on fait « Wow, on est vraiment dans un autre monde, là. Ouais. On est vraiment dans quelque chose d'assez particulier. Ouais. » Et sur le coup, quand tu le regardes en photo, tu as l'impression que c'est un peu désordonné. Okay. Quand je suis arrivé face à face avec le CHR, je suis tombé en amour, vraiment. J'aime ce look-là. Faut dire, avant que tu le dises, là, que j'ai déjà eu un Aztèque, mais je ne l'ai jamais trouvé belle. Ouais. On va régler ça tout de suite. Ouais, ouais, ouais, mais ouais. Non, sérieusement, je trouve que ça se rapproche un peu du Nissan Juke. C'est ce que j'allais te dire. Je le regarde, puis on dirait que c'est comme le petit cousin... moins arrondi du Juke, tu sais, comme un Juke qu'on aurait donné un peu plus de muscle, puis qu'on aurait décidé de mettre des pointes au lieu de mettre des rondeurs, là, ça me fait vraiment penser à un Juke un peu, ouais. Ben, c'est effectivement, et c'est d'ailleurs exactement dans le même créneau que l'on veut aller avec ce véhicule-là. Donc, vraiment un véhicule qui a du style. Dans l'habitacle aussi, on a réussi à faire un beau travail. C'est-à-dire que les cadrans devant le conducteur sont beaux, sont faciles à lire. Tu as un petit écran d'affichage au centre des cadrans dont tu peux modifier l'affichage. C'est intéressant au niveau des informations que tu peux avoir. Mm-hmm. Tu as l'incontournable écran logé dans le haut de la console centrale. Tu sais, un peu à la Mazda, à la Mercedes. Tout le monde fait ça maintenant, là. On a l'impression que tu as une espèce de faux iPad placé en haut, là. Oui, oui, oui. Écran tactile, bon, ça, jusque-là, ça va. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sous le capot, moteur 4 cylindres, 2 litres, 144 chevaux, coupe de 139 livres-pieds, c'est correct. Ouais. Pas plus. Mais non, c'est pas un véhicule de course, là, c'est fait, mais c'est suffisant. C'est comme la norme, là, c'est pas mal ouais, ce qu'on retrouve dans d'autres modèles. Là où ça se complique, cependant, c'est la CVT. Mmh. C'est équipé d'une CVT. On a simulé 7 rapports. Écoute, je peux te dire, moi, que sur les routes des Laurentides, hier, là, j'avais beau essayer de simuler des changements de vitesse, là. Fallait que dans ma tête, je simule la compréhension aussi, là. Fallait que tu simules le plaisir. Ouais. Le plaisir du changement de vitesse. On n'était vraiment pas là, là. Okay. Ça, je peux te dire que la CVT, malheureusement, c'est probablement le moins bon côté de ce véhicule-là. C'est sûr que pour monsieur et madame tout le monde qui vont faire de la ville puis qui vont jouer dans le mode très urbain, ils s'en rendront probablement jamais compte. Ouais. De temps en temps, là, ils vont accélérer un peu plus fort, puis ils vont trouver que le régime moteur monte un peu haut, et ça sera pas un gros problème. Mais honnêtement, pour moi, la CVT, c'est un problème majeur. Je l'ai trouvé vraiment pas agréable quand j'avais besoin d'une certaine forme d'accélération. Il y a un mode sport. Okay. Et là, je peux te dire que j'ai pas perdu mon dentier sur le banc en arrière, là. Je veux dire, c'est supposé changer l'accélérateur. C'est vrai qu'il y a un petit peu de différence quant à la réponse de l'accélérateur, mais on n'est pas dans le très spectaculaire, je peux te le garantir. OK, ouais. Bon, ça, c'est là. Pour le reste, écoute, j'ai été impressionné de la qualité de la direction. C'est un servo-direction électrique, mais elle te donne du feeling, vraiment. OK. Hier, c'est sûr qu'on était à la pluie battante. Là, okay? Bon, oui, c'était pas une belle, c'est pas une belle journée du tout. Là. Non, vraiment pas. On est allé sur la piste de l'autodrome Saint-Eustache où on nous avait préparé des exercices slalom et tout ça. Je peux te dire que le rayon de braquage de ce véhicule-là est absolument spectaculaire. Là. Ça tourne sur une dizaine, c'est le cas de le dire. La direction est intéressante. Vraiment, on ressent bien les feelings. Les freins se sont avérés aussi extrêmement intéressants. Freins à disque, bien sûr, aux quatre roues, mais vraiment, ils sont efficaces. même si le premier tour que j'ai fait, je pense qu'elle avait pas vraiment forcé souvent avant, là. Alors, j'ai eu l'impression que les freins étaient un peu sursollicités. OK, un peu trop neuf. Ouais, on était dans l'eau, hein. Alors, il fallait quand même que je fasse très attention, là. Donc, de ce point de vue-là, ça, c'est très bon. Les suspensions aussi. Faut vraiment dire que les suspensions, on a fait un excellent travail. C'est-à-dire que en arrière, on a ce qu'on appelle un double wishbone, là, des suspensions multibras qui ont été redessinées et qui donnent vraiment une tenue de route assez impeccable au véhicule. C'est même, en fait, un petit peu sec parfois quand t'es passager. C'est peut-être un petit peu brusque, mais pour le reste, ça va vraiment très bien. Autre détail, le châssis qu'on a utilisé, c'est la fameuse architecture globale de Toyota, là, le TGNA, Toyota Global Architecture. C'est extrêmement rigide. T'as l'impression que ça pourrait accepter facilement 200 chevaux de plus, puis t'aurais pas de problème. Okay. Alors, c'est vraiment ça, de ce point de vue-là, c'est une belle réussite. Ça va très bien. Là où ça se gâche, parce que tu sais que ça va finir par se gâcher avec moi. À un moment donné, oui. On nous a présenté une vision du CHR. La vision marketing du CHR, c'était très drôle parce qu'on a ciblé une clientèle. D'après moi, il y a à peu près 8 personnes qui peuvent conduire le CHR si on se fie à Toyota. Là, t'sais. Okay. Ils ont vraiment ciblé une... Et on disait à la blague... on était un groupe de journalistes canadiens et puis on essayait de trouver qui dans le groupe cadrait, puis il y en avait juste un. Bon, c'est bon. Au moins, il va y avoir un journaliste qui va le conduire. Ouais, c'est ça. T'sais, mais c'est vraiment là, jeune clientèle urbaine, aventurière, qui vit dans le quartier Griffintown à Montréal. T'sais, on est vraiment là. On a vraiment voulu personnaliser au maximum. Ouais. C'est parce que ce monde-là se promène en transport en commun normalement parce que c'est plus pratique. T'as pas de place pour parker ton auto. Puis communauto, puis ce genre d'affaires-là. Ouais, c'est ça. Fait que, et déjà là. Ça, c'est ce qu'on leur a dit, d'une part. D'autre part, comment peux-tu être un aventurier et vivre dans Griffintown? Je comprends que c'est plate, vivre à Montréal, puis il y a des nids de poules, là. Ouais. Mais au-delà de ça, l'aventure est un peu limitée, là. Moi, dans mes temps libres, j'escalade le Mont-Royal. Ouais, le Mont-Royal, c'est ça. Ouais. Mais, alors, donc, ça, c'est ça. Donc, on a un petit peu rigolé de leur présentation marketing. D'autant qu'on nous dit qu'ils s'adressent à des jeunes célibataires, dynamiques, aventuriers. Et quand tu rentres à l'intérieur, tu te rends compte que le système de divertissement, le système infotainment, là, n'accepte pas Apple CarPlay ni Android Auto. OK, quand toutes les autres le font déjà. Quand toutes les autres le font déjà. Ouais. N'a pas de navigation. Même pas en option. OK, ben c'est pour ça qu'il faut que tu restes à Montréal d'abord. C'est pour ça qu'il cible le monde qui reste à Montréal. Même à ça, j'aimerais bien mieux avoir une navigation à Montréal que n'importe où ces routes du Québec. Là. Ouais, t'as cassé. Je me perds bien plus facilement dans la ville que je vais me perdre ça à 20. Avec l'information sur les routes fermées, ça serait pas exactement. Vrai. Ouais. Et des détours. Et n'a aucune option de radio satellite. Quand c'est de base partout. Ouais, mais là, on l'a pas. OK. Et est pas disponible en traction intégrale. Ben là. Alors. Tu fais comme, écoutez, c'est un très bon véhicule, c'est un véhicule le fun à conduire, oui c'est agréable, oui c'est un véhicule qui a une personnalité, oui c'est un véhicule qui est intéressant au niveau de ses performances et de ça. Sauf que tu regardes tout ça et tu fais, il y a quelqu'un quelque part dans la planification de produit qui a sauté une coche là. Ouais, c'est ça. Ou les gens du marketing, puis les gens de la fabrication, puis de la conception se sont pas parlé. Parce que... mais au-delà du simple marketing, ouais. Je veux dire, tu t'adresses à... C'est un véhicule qui, effectivement, a une silhouette assez unique, assez particulière, ouais. A une personnalité qui est particulière. C'est clair que ça va attirer des gens qui ont un certain, je te dirais, une certaine vision des choses, là. Ouais. Tu sais, c'est pas... Je m'excuse, mais si t'aimes une Toyota Camry 2008 beige avec intérieur beige, t'aimeras pas le Toyota CHR. C'est pas ton style de voiture, c'est ça. T'es pas le public. Mais, donc, on a une bonne idée de qui pourrait acheter ce véhicule-là. Même chose comme, tu sais, quand tu regardes le Honda Element, par exemple, qu'on avait prévu pour les jeunes, mais qui se vendait à des gens de 50 ans et plus. Ouais. En passant, t'es pas encore rendu, mais t'approches. J'ai pas dit ton âge, par exemple. Non, ça s'en vient. Quelques années encore. Ouais, ouais. Mais, j'ai trouvé vraiment que de ce point de vue-là, on tire comme aux côtés de la cible, littéralement. Ouais. Ouais. Parce que les gens, les jeunes qui veulent s'acheter une voiture un peu dynamique vont regarder ces éléments technologiques-là. Oui, bien sûr, il y a d'autres éléments technologiques. Assistance au freinage, détection de piétons, disque coussin gonflable. Tu sais, les éléments de sécurité sont là. En option, tu peux avoir, parce que t'as une version de base qui est la XLE, qui est pas de base, qui est bien équipée, siège chauffant et tout ça. Et t'as ce qu'on appelle le groupe premium, qui coûte 1 600 $ de plus. De base, elle est à 24 690. Si tu rajoutes 1 600 $, tu as le groupe premium. Là, tu te retrouves avec des roues de 18 pouces, avec plus de systèmes de sécurité embarqués notamment, dont le détecteur d'angle mort, par exemple. Mm-hmm. Régulateur de vitesse intelligent là, qui va te permettre d'adapter là, tout ça. Alors, on parle quand même d'un véhicule qui arrive avec un bon équipement au niveau de la sécurité, au niveau de l'électronique, ouais. Mais qui, au niveau du divertissement, et pas là du tout. Non. Et objectivement, j'ose espérer que les conducteurs utilisent plus le système de divertissement que celui de sécurité. Là, tu sais. Ouais, ouais. Normalement, tes coussins gonflables devraient servir comme une fois dans la vie du véhicule. C'est ça, tu sais. Ouais. Ou idéalement, pas du tout. Ouais. Alors, c'est dans ce sens-là, je trouve que malheureusement, c'est un peu le plus gros défaut du véhicule parce que pour le reste, honnêtement, moi, j'ai eu du fun à le conduire. Je l'ai trouvé beau et on s'est arrêté. On est allé. On se promenait dans la région de Saint-Jérôme, puis on s'est arrêté. On nous avait donné rendez-vous à une place qui s'appelle le Vert Bistrot. Okay. Que je connaissais pas du tout. On est arrivé là, c'est juste au côté de la gare. Il y a un beau stationnement. Alors, on est arrivé les premiers, on a placé la voiture là, on prenait des photos. Et la jeune serveuse à l'intérieur, Camille, qui s'appelait d'ailleurs, était bien gentille avec nous. Elle nous a permis de faire plein d'affaires. Elle était vraiment impressionnée. Puis là, la cuisinière est sortie, venait prendre des photos en disant « c'est ma prochaine voiture ». Tu sais, ils ont été vraiment très attirés par ça. Mais quand on leur a dit ce qui manquait, ben ils ont fait « ah ben là, pour ce prix-là, on va peut-être trouver d'autres choses ». Elle a supprimé la photo de son téléphone puis est repartie faire la cuisine. Non, elle a quand même gardé la photo sur son téléphone. Elle l'a publié sur sa page Facebook aussi, m'a-t-elle dit. Mais tout ça pour dire que c'est un véhicule qui a beaucoup de personnalité, qui est super intéressant, qui arrive le 2 mai prochain. Mais il manque des petits défauts, alors préparez-vous à vivre sans si vous avez besoin de ça. Quant à la traction intégrale, on nous dit que c'est pas une priorité dans ce créneau-là et que les gens qui achètent ce véhicule-là ne sont pas nécessairement friands de la traction intégrale. Alors, écoute, moi j'ai un doute, mais là-dessus, je me suis obligé d'appuyer sur Toyota. Là. Bon, on verra ce que ça donnera. De toute façon, tu auras l'occasion probablement de le reconduire dans l'année, d'ici la fin de l'année, j'imagine. Probablement. Là, comme je dis, il sort au mois de mai, donc il devrait arriver cet été quelque part sur la flotte de presse. Bon, ben tu nous en reparleras un moment donné, parce que moi, j'aurais sûrement pas l'occasion de le conduire. Je l'avais aimé, je l'avais vu au Salon de Québec. J'avais même fait une entrevue avec le président de Toyota Canada sur ce véhicule-là, puis d'autres choses. Puis j'avais trouvé qu'il était intéressant, mais bon. Vu que je ne le conduirai pas, je vais prendre ta parole pour vérité. Donc, Marc, on va faire une pause, puis on va revenir avec notre bloc nouvelle. Alors, nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure du dernier bloc de l'émission, notre bloc nouvelle. Qu'as-tu pour nous cette semaine? Oh mon Dieu, pas mal d'informations, mais avant de me lancer vraiment dans l'information, j'ai besoin d'éclaircissement. OK, vas-y. En fait... C'est juste drôle que tu te fies à moi pour t'éclaircir, mais je vais faire du mieux. Non, mais j'ose espérer qu'on a des gens qui vont nous écouter qui vont être plus en mesure que moi et toi de répondre à la question. OK. Cette semaine, on a lu dans les journaux d'informations financières que la valeur boursière de Tesla avait dépassé celle de Ford et atteignait presque celle de GM. Ouais. OK. On parle là, in and out, là, de 47 milliards pour Ford, 48 milliards pour Tesla, puis on parle de 53 milliards pour GM. OK, ouais. Je cherche à comprendre. OK, et bon, mes cours d'économie sont loin, là. Je parle de mon ancien prof, M. Haynes, il doit se revirer quelque part s'il m'écoute parce que il serait pas fier de moi. Mais je comprends pas. Je vais être très honnête avec toi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'une compagnie comme Tesla, qui n'a que deux produits en vente actuellement, la Model S et la Model X. Ouais, qui livre en quantité limitée aussi. Qui a livré 80 000 véhicules l'année passée. Mm-hmm. Qui a des installations minuscules, on s'entend. Mm-hmm. Dont la Gigafactory au Nevada est financée par de l'argent public et par de l'argent externe, pas le sien, puisse avoir une valeur boursière aussi élevée. Ouais, mais c'est... Tesla, c'est un peu le Apple... du monde automobile, donc c'est beaucoup d'amour, de sentimentalité envers cette compagnie-là, un peu T'sais, les gens, la majorité des gens aiment Tesla pour ce que Tesla représente. Et faut dire quand oui, même, mais... le Model S, c'est un beau produit. Le X, c'est autre chose. Moi, je ne trouve pas ce véhicule-là beau du tout. Mais un Model S, c'est quand même quelque chose d'unique. Mais de là à valoir autant que Ford, une compagnie qui est plus que centenaire, qui a une gamme de véhicules, qui vend des véhicules partout dans le monde, qui a plusieurs usines, qui, tu sais... C'est parce que moi, ouais. Ma question, en fait, c'est... Tout ça, c'est basé sur ce que Tesla a toujours fait de mieux du marketing. Oui, okay? Oui. On s'entend, là. Tesla est bon pour se vendre, oui. Ils savent se vendre et ouais. Ils sont très bons là-dessus. Elon Musk est considéré comme un gourou, littéralement. Et les amateurs de Tesla, c'est quasiment devenu une secte. J'exagère, mais tu sais ce que je veux dire. Oh, oui, les gens aiment Elon Musk et aiment Tesla. Ouais. Ce qui veut dire que les gens ont investi sur la base de la confiance. Oui. Mm-hmm. À ma connaissance, jusqu'à maintenant, Tesla a jamais vraiment respecté ses engagements, du moins en termes de délai. Ouais. Et Tesla ne fait pas nécessairement beaucoup de profit, je pense qu'ils vendent. Non, pas du tout. À chaque fois qu'ils vendent une auto, ils perdent de l'argent. Mm-hmm. Alors, j'ai beaucoup de misère à comprendre cette notion-là. Et ce que je dis là, c'est pas négatif, là. C'est vraiment une question pure et dure. Si vous êtes en mesure de nous fournir l'information, venez sur ma page Facebook, allez sur la page Facebook de Ça Roule Radio, expliquez-moi, je ne comprends pas, outre la confiance, et si c'est juste basé sur la confiance, c'est un risque énorme, parce que, disons, pire des scénarios, la fameuse Model 3 ne sort pas en novembre comme prévu, mais est retardée de 6 mois ou d'un an, comme c'est arrivé dans le cas du Model X. Ouais. Écoute, c'est une bulle qui va littéralement éclater, là. Ouais, et le danger, c'est que Tesla réussit à bâtir son équité financière sur sa valeur boursière. Mais si la bulle éclate... Ouais, t'as plus d'argent. T'as plus d'argent, là. Ouais. Puis ça peut éclater pour n'importe quoi. L'histoire nous a prouvé que des compagnies qui semblaient solides ont été impliquées dans des scandales financiers. Je dis pas que c'est ça qui va arriver à Tesla, mais je te dis que ça peut arriver dans n'importe quelle entreprise que l'on croyait pourtant solide. Non, ouais, la bulle techno, quand ça a pété, il y a beaucoup de compagnies qui ont juste disparu, là. Prend Nortel, qui a progressé en fou, puis suite à un scandale financier, s'est retrouvé à valoir quelques sous l'action, tu sais. Ouais. Alors, honnêtement, je cherche à comprendre, et je répète, ce n'est pas négatif, c'est pas un jugement, c'est une question de néophyte par rapport à la valeur boursière. Je comprends que c'est basé sur la confiance à l'égard d'un produit, d'une compagnie. Mon problème, c'est que, et là où j'ai de la misère, c'est que je regarde de l'autre côté une compagnie comme Chevrolet qui a lancé la Bolt, qui a les mêmes capacités que la Model 3, qui a un catalogue bien garni. Même chose chez Ford, mais ils n'ont pas de 300 km et plus, là, mais au-delà de ça, ils ont des infrastructures et la valeur boursière est moindre. Alors, j'ai besoin d'explications. Je lance donc un cri d'alerte. Aidez-moi, je ne comprends pas. Ouais, pour Tesla, au moins, la Model 3, ils l'ont vu sur les routes en train d'être testée contre une BMW de série 3. Fait que, on a vu combien de fois la Model X testée avant que Ouais, c'est ça. Mais ils sont en train de faire des tests routiers, mais ils n'ont pas le choix. Il faut que ça avance s'ils veulent être capables de la sortir pour le mois de novembre. Effectivement. En tout cas, bref, tout ça, je veux seulement en savoir davantage. Si vous êtes en mesure de me fournir l'information, parce que moi, je comprends pas et j'ai pas envie d'investir mon argent dans une situation aussi risquée. Ouais. Maintenant, tombons donc dans la vraie actualité. Actualité, écoute, on a un ami, collègue, Benoît Charrette, que tu connais bien. Mm-hmm. Benoît, qui est un gars qui est copropriétaire et fondateur de l'annuel de l'automobile, qui fait aussi l'annuel de l'auto d'occasion en collaboration avec le CAA qui vient de se vendre. Benoît s'est adjoint à un groupe d'autres journalistes. Et ils viennent de lancer... Non, en fait, ça va sortir le 12 avril prochain. OK. Donc, un la livre semaine prochaine. Ouais. Un livre qui s'appelle « Tout sur l'auto ». C'est le genre de livre que tu achètes quand tu veux t'obstiner avec quelqu'un. OK. Parce que c'est le genre de livre qui contient des palmarès, les voitures les plus chères, les voitures qui sont en production depuis le plus longtemps, tout ce genre d'affaires-là, là, les voitures les plus bizarres, la naissance des grandes marques, qui sont les designers qui ont été marquants dans l'histoire, des trucs comme ça, les poursuites légendaires au cinéma, sont allés chercher l'information, par exemple, quel sportif ou quel... acteur de haut niveau possède quel type de voiture, alors ce genre d'affaires-là. Okay. C'est vraiment... écoute, Benoît lui-même parle de car porn. Non, oh, oui, c'est clairement de l'information... de l'information qu'on retrouve rarement ailleurs. Là. Ouais, mais c'est vraiment amusant. Tu sais, contrairement, par exemple, au guide ou à l'annuel, qui sont des livres de référence que tu consultes de temps en temps, ça, c'est le genre de livre que tu peux t'asseoir et lire et rigoler un bon coup en lisant et apprendre plein d'affaires. Un peu comme le jeu que j'avais fait il y a 2 ans, là. Oui, oui, oui. C'est incollable auto. Mm-hmm. Qui était 800 questions, mais je te dirais que si tu as mon jeu, tu vas probablement pouvoir trouver les réponses dans le livre que Benoît a publié et beaucoup d'autres choses. Alors, ça sort le 12 avril. C'est un beau cadeau pour la fête des pères, si vous avez envie de faire ça. Je trouve ça intéressant. Et pour les blettes comme moi, ben c'est parfait. Je trouve que c'est absolument génial comme idée. Alors, ça va être en librairie, les grandes surfaces, là, Costco, Canadian Tire et autrement. Là. Donc, à surveiller le 12 avril. C'est aux éditions Guy Saint-Jean. On nous dit pour le moment que ça se vend 32,95, mais que c'est un prix qui est pour le moment pas définitif. On le saura quand il va sortir. Ouais, tu vas ramasser ça chez Costco probablement pour un prix beaucoup plus dérisoire que le prix qui est écrit dessus, des choses comme ça. Effectivement. Mais même Walmart et ces choses-là coupent normalement sur le prix des livres. J'ai hâte de voir ça. Je souhaite bonne chance à Benoît, qui est un gars sympathique que j'ai rencontré quelques fois. Ouais, c'est ouais. Ça. Puis tu sais, je trouvais l'idée intéressante parce ouais. que c'est quand même là... ce qui s'en vient de... Tu sais, c'est le genre d'affaire que même si t'es pas un maniaque de char, ben tu vas quand même apprendre pas mal d'affaires, puis tu peux lire ça et trouver ça amusant et intéressant comme principe. Non, si t'es pas un maniaque de char, t'as des amis maniaques de char, t'achètes ce livre-là sans leur dire, puis là tu leur sors plein d'affaires incroyablement... T'sais, inusité qui savent pas en tout. Ouais, ça, c'est le genre d'affaires que t'amènes là, dans les soirées un peu arrosées. T'en as toujours un fin finot qui lui te dit qu'il connaît ça puis il sait quoi faire. Oui, oui, oui. Fait que t'as là l'outil pour le reprendre un peu. Pour le remettre à sa place. Effectivement. Ah. Dans la série des nouvelles, autres nouvelles, on a beaucoup parlé de la Civic SI. Mm-hmm. Qu'on n'avait pas, dont on ne connaissait pas encore la puissance. Oui, oui. Samuel en a parlé un peu la semaine passée de la puissance de couple. Exactement, mais là, on est à 205 chevaux, 192 livres-pieds, et elle sera déclinée à la fois en coupé et en berline, ce qui n'avait pas non plus été confirmé encore. OK, mais ce qui est l'habitude normalement chez Honda, on a la version coupée, la version berline en SI, puis 205 chevaux, ça suit pas mal la puissance de la dernière génération. On n'est pas trop. Ouais, c'est 210 avant. Là. Ouais, c'est ça. Sauf loin. Qu'on s'attendait vraiment à quelque chose d'un peu plus puissant, mais on a la Type R qui s'en vient, donc on peut s'attendre à ce que ça soit normalement comme ça. Ouais. Ensuite, dans les autres nouvelles, prix de design, il faut en parler parce que c'est la période. Ça s'appelle le Red Dot Award. Mm-hmm. C'est un prix de design assez particulier parce que ça ne s'adresse pas spécifiquement à l'automobile. OK. 5500 produits sont évalués, proviennent de 54 pays. Il y a 39 jurys qui sont là, des journalistes, des spécialistes de design et toutes sortes, qui vérifient ce qui se passe. Et ben il y a des gagnants Mazda MX-5 RF qui a gagné un prix dans sa catégorie. La nouvelle Kia Rio a gagné un prix dans sa catégorie aussi. Mm-hmm. Ça, c'est intéressant parce que chez Kia, c'est le 18e Red Dot Awards depuis 2009, depuis l'arrivée de Peter Schreier. Ouais, merci Peter. On sent comme une tendance. Ouais. La particularité, c'est que cette année, la Kia Optima Sportwagon, nous, on ne l'aura pas, malheureusement. Ouais. Mais elle est super belle. Elle a gagné le prix aussi dans sa catégorie. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est la troisième fois en autant de générations de la Kia Optima qu'on remporte le prix. Imagine, c'est quand même spectaculaire. On l'a eu pour la première génération. On l'a eu pour la version améliorée l'an passé. Et on le gagne à nouveau pour la Sportwagon. Bref, on est vraiment, vraiment dans un monde où Kia est en train de dominer largement le design. Alors, je pense que c'est en soi une bonne nouvelle. Voilà, mon cher, on aurait tout plein d'autres, mais malheureusement, on est limité par le temps. On peut peut-être dire juste vite, vite, que Mary Lou Wolfe va faire les pubs de GM dans les prochaines semaines. Je suis convaincu que le PR du Québec va se garrocher pour rester au tournage, moi. Sûrement, sûrement. C'est ça de même, là. Ouais, ouais, ouais, on y en reparlera pour le fun, voir. Il va écouter le podcast, de toute façon, je vais y envoyer, fait que, tu sais, parce que tu parles de la régale, donc, on te salue. On te nommera pas, mais on te salue. Mais si vous écoutez les anciennes versions du podcast, on l'a déjà eu en entrevue quand on a parlé de la Close Hatchback, par exemple. Ah, c'est vrai, fait qu'on peut le nommer. On n'a rien dit. Salut Philippe André. Donc, là-dessus, Marc, on va terminer. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Écoute, la meilleure méthode, passez par ma page marcbouchard.ca. Il y a là toutes les informations. Mon compte Facebook, mon compte Instagram, mon compte Twitter qui est Marc Souligné Bouchard. Ton compte de banque, ton compte, non? Non, ça, ah. Je l'ai donné juste à toi. Okay. Et donc, tout ça est là, plus quelques nouvelles que je mets tous les jours, des essais que je fais aussi. Et bien sûr, là, vous pouvez me parler directement sur ma page Facebook, c'est la meilleure solution. Sinon, ben, on a une adresse pour Ça Roule Radio que je vais te laisser le soin de donner, mon cher Luc. info@saroleradio.com. Vous pouvez aussi visiter le saroleradio.com, qui est le site internet où vous pouvez retrouver toutes les émissions. On est sur Twitter, Ça Roule Radio, sur Facebook, Ça Roule Radio également. Puis on peut nous écouter sur sportradio.ca, sur Radio H2O et sur Radio Highway également, si ça vous chante. On est disponible également sur iTunes et sur Google Play, puis sur différentes plateformes là, comme Radio H2O et Pod Québec, des choses comme ça. Donc, ouais, en parlant de Pod Québec, je voulais juste dire aux gens, merci beaucoup, on est finalement 23e dans le top 100 des meilleurs podcasts au Québec. C'est quand même pas pire. Hein? Quand même, hein? Dans le top 25, moi je suis assez content. Ouais, ça vous tente de continuer, vous pouvez y aller sur, c'est quoi, c'est podquebec.com.ca, je pense, quelque chose comme ça. Ah, je sais pas. Tapez Pod Québec dans Google, puis ça va vous apporter sur le site, puis juste, si vous voulez continuer à nous faire monter, c'est bien apprécié. Et puis pour moi, si vous voulez me rejoindre, bien, sur Twitter, c'est @scalazormo, puis aussi nous envoyer un courriel, puis on va se faire un plaisir de vous répondre. Donc là-dessus, Marc, je te souhaite une belle journée d'anniversaire, hein, parce que le podcast va aller en ligne aujourd'hui. Si ça vous tente de souhaiter bon anniversaire à Marc, juste aller sur Ça Roule Radio, vous pouvez le faire à partir de là. Je suis sûr qu'il va être super content d'avoir plein d'autres vœux de bonnes fêtes. Donc passe une très belle journée de fête, j'espère qu'ils vont en profiter un petit peu. Et puis aux auditeurs, bon, on vous dit à la semaine prochaine pour notre émission numéro 49, presque 50. Donc bye tout le monde. Bye.